de ces moments de félicité, on ne peut jamais oublier. Surtout quand la nature parée de toute sa beauté en fait le décor et en est le seul témoin. Les minutes s'écoulaient vite parce que le temps était jaloux, mais ce fut un doux moment. Jamais je ne me suis senti si heureux dans ma vie que ce dimanche après-midi. Assis en face de toi, contemplant la nature que tu as fait resplendir avec ta parure, tout s'harmonisait en ce beau décor pour offrir quelque chose de précieux comme l'or. À travers tes lunettes, tu cachais tes beaux yeux. J'ai pu les percer et lire ton aveu. Je ne sais quelle force m'a soutenu. Dans tes bras, je voulais me blottir et te proclamer comment je t'aime. Oui, je t'aime plus que je m'aime. J'entendais les battements de ton cœur palpitant au même rythme que mon cœur. Tu philosophais, moi j'écoutais. Tu voudrais dire quelque chose, mais le temps s'est écoulé doucement, amoureusement, et s'achemina sur deux petits baisers sur ta joue fiévreusement.